Découvrir la nature, les paysages, la sensation du vent sur mon visage, la sensation de vie de décrocher, le bruit des vagues sur les rochers. C'est long mais ça finira par payer, les efforts emmèneront une victoire. Le plus important c'est d'essayer, travailler dur mais seulement pour toi. Peu importe le temps que ça prendra, l'important c'est d'avancer à ta guise. Ce que tu donnes aux autres on te le rendra, ton amour, ta confiance t'est promise. Faudrait qu'on parte loin, même si on se sent trop bien. Ouais, le problème c'est qu'on se sent trop bien. Et on ne bouge plus, non, on ne fait plus rien, non. On s'habitue vite, pour les quotidiens, non. On s'y sent bien, mais rien de vraiment bien. Pour sa santé, alors je crois à ta santé. On s'y sent bien, mais rien de bien pour sa santé. Relation avec autrui, on ne fait que s'absenter. Difficile de sortir de sa chambre en étant bien. C'est difficile à notre âge de recréer des liens. Garde espoir, la victoire arrivera tôt ou tard. Garde espoir dans le noir, la victoire brillera. Garde espoir, la victoire arrivera tôt ou tard. Espoir dans le noir, la victoire brillera. Garde espoir, garde espoir, garde espoir, tôt ou tard. Garde espoir, garde espoir, garde espoir, tôt ou tard. Garde espoir, la victoire arrivera tôt ou tard, ouais. Garde espoir dans le noir, la victoire brillera, ouais. Garde espoir, ton miroir reflétera ton pouvoir. Garde espoir, la victoire arrivera tôt ou tard. Garde espoir dans le noir, la victoire brillera. Garde espoir, ton miroir reflétera ton pouvoir. Garde espoir, chaque soir la victoire fera l'histoire. Garde espoir, chaque soir la victoire fera l'histoire. Garde espoir, la victoire arrivera tôt ou tard. Garde espoir dans le noir, la victoire brillera. Garde espoir, la victoire arrivera tôt ou tard. Garde espoir. Garde espoir, garde espoir, garde espoir, tôt ou tard. Garde espoir, garde espoir, garde espoir, tôt ou tard.